À l'occasion de l'anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, on a fleuri le 27 juillet le cimetière des martyrs révolutionnaires de Taizongshan, le cimetière des martyrs patriotes de Simmidi et le cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie. La couronne mortuaire au nom du dirigeant suprême Kim Jong-un de notre parti, de notre État et de notre armée, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée se trouvait au cimetière. On voyait les gardes d'honneur de l'Armée Populaire de Corée au cimetière. À la cérémonie ont participé Park Bong-joon, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État et premier ministre du cabinet de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du Parti, autre cadre responsable du parti et de l'État, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux, les officiers et soldats de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, et les travailleurs de la ville de Pyongyang.